I'm sorry. Che l'orchestra che preferano, che l'orchestra che se li ama orchestra chi, che se li ama sosoliso de trossi magesi, che una esplicazione de trossi magesi, che trossi magesi tiene, trossi campanero della cantare per la Repubblica de Zaire. Ora mimo io tiene dinero, por bailando all'orchestra sosoliso de trossi magesi, a Kinshasa, ciao! Oh mama, bako tongo ngaye, bako finga ngaye, bako vimi sangana mako fie, balobela kingaye, bakanga kingaye, na foto ya manje sigo. Balobela kingaye, bakanga kingaye, na foto ya manje sigo. Oh mama, Gaina zonga mboka e Bako tumola ngana bala bala e Balobela kingaye, bakanga kingaye Na foto ya majesi bo Balobela kingaye, bakanga kingaye Na foto ya majesi bo Gaina zonga mboka e Bako tumola ngana bala bala e Balobela kingaye, bakanga kingaye Na foto ya majesi bo Balobela kingaye, bakanga kingaye Na foto ya majesi bo Yanga e sheri La coco cante con vivre, batuta kingai, ma confida somi. Akanga kingai, na foto ya majesi. Foto ya majesi, ba pesa kingai na mosika. Lokumu ya Zaire mobimba. Nyanga e sheri, la coco cante con vivre, mobali ya lingana, linga majesi. Foto ya majesi la bomba la sute La kotambola mobimba nanga majesi Lukumu ya Afrika mobimba Foto ya majesi, na kopesa na nzuti. Foto como para sunche. Foto ya majesi, na comienza de coroque. Foto ya majesi, na como para sunche. Foto ya majesi, na comienza de nantimba. Foto ya majesi, na como para sunche. Foto ya majesi, na comienza de macaya. Foto ya majesi, na como para sunche. Foto ya majesi. Foto ya majesi, na kopesa na rusolo. Foto ya majesi, na kopa mala sute. Foto ya majesi, na kopesa kabambo. Foto ya kopa mala sute. I'm sorry. Avec la révolution, je suis d'accord. Qui dit révolution dit travailler. Ça, je suis d'accord avec toi, mon cher. Et pourquoi toi, tu ne veux pas travailler? Moi, mais je fais la musique, je travaille. Ah, alors toi, tu travailles. Bien sûr. Et puis ce soir, je voulais sortir. Tu viens chez moi pour me voler mes deux chaussettes trouées. Eh, ma tête dit, ne me traite pas d'un voleur de chaussettes. C'est toi qui mets les chaussettes trouées, hein? Mon cher ami, ouais. Je ne te traite pas d'un voleur, mais je te conseille de trouver un travail pour un homme honnête. Allez, je suis vraiment honnête. Allez. Ça, tu peux demander Loco Masengo. Je suis honnête. Loco Masengo, je ne suis pas honnête. Si, tu l'es. Mais je suis musicien, ce n'est pas du travail. Si, c'est du travail. Alors, regarde-moi. C'est l'espèce de primérien, ma télé, ma belle. Bon, assez. Mon cher ami, ouais. Tu ne veux pas voir l'habitude de finir mon nom. Tu es trop méchant, voilà encore une fois. Matanini, ma belle, Buana Kitoko. C'est votre nom, je le sais. All right. Merci. All right. Foto ya majesi na kopesa na amiso. Foto ya majesi na kopamba na suje. Foto ya majesi. si na copie c'est de n'ambiana. Bota oh, abatezi na copa para I'm sorry.